Si l'on devait résumer notre invité du jour par une phrase issue de sa bibliographie imposante, non par son volume mais par sa cohérence, ce serait peut-être celle-ci. J'avais atteint l'âge de 1000 km. Incipite de son premier roman à succès et phrase quasi programmatique de l'ensemble de sa littérature. Une littérature de l'inversion, de l'égarement. Une littérature impossible à cartographier comme cet archipel du rêve qu'il explore par étapes, roman après roman depuis plus de 30 ans. L'homme est un prestidigitateur à l'image de ses héros, du prestige, qui bouleverse les repères physiques et temporels. Christopher Priest est notre invité spécial pour l'heure qui vient, ici, depuis les Utopias à la Nantes. Bienvenue dans la méthode scientifique. Thank you. Merci. Bonjour Christopher Priest. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici depuis le Festival des Utopiales à Nantes. C'est Bernard Reeves qui assure votre traduction. Bonjour et merci Bernard. Bonjour. Alors les Utopiales, vous connaissez bien ce festival. Vous étiez présent à la toute première édition en 1998. C'est un festival qui couvre toutes les littératures de l'imaginaire, mais qui se concentre sur la science et la science-fiction. Or, ce n'est pas la terminologie qui décrit, selon vous, votre littérature. Vous n'aimez pas beaucoup ce terme de science-fiction, Christopher Priest. Well, the thing is, I like science, but not the science that people think. La science que penseraient les gens. Pour moi, la science. The original Greek word. Le mot grec d'origine, en fait, ça veut dire le savoir. Et j'avais du mal à me voir comme étant auteur de science-fiction parce que je ne connaissais pas la science. Et puis après, je me suis rendu compte que la science, en fait, c'est un processus. Ce n'est pas une activité. Et donc, il y a toujours genre de sciences que je pourrais comprendre, les sciences de la société, la société du sens, la société, la science de la socialité, de la sexualité. Donc ce sont des choses intéressantes sur lesquelles on peut écrire. Mais je n'accepte pas d'être auteur de science-fiction parce que les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous diriez que la science est une sorte de motif que vous utilisez? Je pense par exemple aux anomalies gravitationnelles de l'archipel du rêve. C'est assez, ce qu'on pourrait dire en anglais, science-based. C'est assez fondé scientifiquement malgré tout. Comme j'ai dit, en fait, je m'intéresse au savoir. Et des choses dont j'écris, en fait, il y a un élément scientifique, donc il y a ces aspects d'attraction gravitationnelle, en fait, mais c'est secondaire par rapport à l'effet que ça a sur les personnages. Alors, Christopher Priest, on va parcourir un peu votre carrière littéraire. Vous êtes britannique, vous êtes né à Cheadle, à côté de Manchester, en 1943. Vous dites, dans les interviews que vous avez accordées, que vous arrivez assez tardivement à la science-fiction, à l'âge de 18 ans. Ça veut dire qu'avant 18 ans, vous n'avez pas de lecture de l'imaginaire de science-fiction qui vous est marqué? Non, en fait, j'étais assez innocent à l'époque. J'ai lu un petit peu de H.G. Wells à l'école, et puis j'ai découvert George Orwell, 1984. Et puis un jour, John Wyndham. Et c'était le premier auteur de science-fiction moderne que j'ai lu. Et ça, vraiment, ça m'a excité. Ensuite, j'ai commencé à chercher d'autres. Et à l'époque, là, on parle des 1960 environ. Il n'y avait pas grand-chose en termes de science-fiction. Les éditeurs britanniques sortaient peut-être deux ou trois titres par mois. Au total. Donc, en fait, on pouvait choisir, mais je n'ai pas lu pendant longtemps la science-fiction, pendant 3 ans, puis après, j'ai passé à autre chose. Ça, vous dites que vous avez dévoré de la science-fiction pendant 3 ans. Ça veut dire quoi, dévorer? Quels sont les ouvrages? Quels sont les auteurs? Vous parlez souvent d'H.G. Wells, mais qui vous ont marqué? Comment est-ce que ça a influé sur votre imaginaire? Alors, la prédominance dans le monde anglophone, en fait, c'est américain, c'est la science-fiction américaine. Ce n'est pas anglais. L'anglais, c'est un dialecte, en fait. Mais la science-fiction mieux connue, en fait, c'est la science-fiction américaine, écrite par des Américains. Mais je me suis rendu compte que la science-fiction américaine, ça parle de choses qui ne m'intéressent pas. Ça parle de la conquête, de l'ingénierie, de la science-fiction dans l'ancien sens. Ça parle de la guerre, du colonialisme, des empires, de la découverte des planètes. Bon, ça va. Mais en fait, ça ne m'interpellait pas dans les termes que moi je comprenais. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres auteurs qui écrivaient de la science-fiction qui me parlaient. J.G. Ballard, par exemple, qui est une grande influence. Quand j'ai découvert Ballard, je ne le croyais pas. Il parlait de l'art, il parlait du cinéma, il parlait du sexe, il parlait de l'amour, du temps. Des choses, en fait, qui étaient les choses qui m'intéressaient au cinéma et puis aussi dans la vie réelle. Et aussi Brian Aldiss, qui a beaucoup de style, en fait. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de mécanique, donc d'aller découvrir, de conquérir. Brian Aldiss, G.G. Ballard, en fait, il parlait de l'échec, en fait. Des choses qui ne marchaient pas. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que ma vie, c'était plein d'échecs, hein. C'est ça, c'est-à-dire que vous n'aimez pas tellement la science-fiction des années 60, de l'âge d'or, la science-fiction positiviste, la science-fiction utopiste. Vous aimez un peu le côté obscur de la science-fiction qui parle au corps, qui parle à la chair, qui parle aux pulsions. Quand je l'ai lu, ça m'a plu. J'aimais bien la science-fiction américaine, mais c'est un peu comme regarder la télé, dans le sens où bon, c'est divertissant, bon, ça passe un moment, et puis on va parler avec les copains, on va le recommander. Mais en fait, ça ne m'interpelle pas au niveau personnel. Et quand j'ai découvert la science-fiction britannique et j'ai vu que c'était différent de la science-fiction américaine, ça m'a donné une sorte d'orientation. Ce n'est pas tout le désespoir, il n'y a pas que le désespoir. Hein. Donc j'aime pas cette définition, j'ai rien contre vous, hein, mais bon, mais les auteurs britanniques... Là, on dit qu'ils sont toujours très tristes, mais non, et très noirs, non. Alors, ce que nous faisons, et les Américains ne comprennent jamais, en fait, de l'ironie. Et il y a un goût en Europe pour l'ironie, et j'ai ce goût-là. Avec les Américains, en fait, c'est quelque chose, et plouf, ça tombe tout de suite, quoi. Vous dites néanmoins qu'il y a une rencontre qui a changé votre vie, c'est celle d'H.G. Wells. Vous dites, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais c'est une rencontre qui a changé ma vie. Pourquoi ? Alors, je me suis rendu compte que j'avais le même âge à l'époque que Wells quand il a écrit ses meilleurs romans. Quand il a écrit La guerre des guerres des mondes, L'île du Docteur Moreau, La machine à explorer le temps, et puis il y en avait plein d'autres aussi, je ne me souviens pas là maintenant. Mais il avait une trentaine d'années, quoi. Et je l'ai découvert à cet âge-là. Je ne me comparais pas à lui, mais je me suis dit, ben voilà, là, c'est ça la norme, quoi. C'est ça le niveau qu'il faut atteindre. Et vous avez d'ailleurs ressenti le besoin de lui rendre un hommage dans l'un de vos premiers romans, La machine à explorer l'espace. Oui, je suis content d'entendre ça parce que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est une pastiche. Mais en fait, non, c'est pas une imitation. Pour moi, c'était vraiment un hommage, un vrai hommage. Et pour dire, voilà, je suis là, maintenant je fais ce que toi tu as fait. Et voilà, j'aimerais te serrer la main. Bon, ça peut paraître arrogant, mais quand on a 30 ans, on est arrogant, forcément. C'est amusant, Christopher Priest, parce que, évidemment, quand on parle du début de carrière d'un auteur, on fait souvent appel à ses références, on interroge ses références. Et vous dites à propos de cela quelque chose d'intéressant. Vous dites, l'influence littéraire est souvent mal comprise. Si vous dites que vous avez été influencé par tel auteur, certaines personnes vont penser que cela veut dire que vous voulez écrire comme lui. Ce n'est pas ainsi que cela marche. Pour moi, l'importance d'autres écrivains tient au fait qu'ils peuvent vous amener à révéler des possibilités nouvelles dans votre propre écriture. Alors Nicolas, là c'est la réponse à la question. Justement, je veux que vous commentiez cette... Alors vous n'auriez pas dit ça, je l'aurais dit. Non, bien sûr, l'influence, en fait, il faut faire très attention, parce que on dit on va lire Ursula Le Guin, on veut être Ursula Le Guin. Mais quand on lit de bons auteurs, on découvre ce qu'on peut faire, ce qu'eux ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'on peut refaire, ce qu'on peut améliorer éventuellement. Et donc, c'est une sorte de flambeau qu'on va porter. C'est intéressant parce que on parlait un instant de la catégorie littéraire science-fiction. Nous autres journalistes, on a cette vilaine manie de toujours vouloir tout ranger dans des cases. Et il y a une forme d'ostracisation de ces littératures de l'imaginaire, quoi qu'on en pense. Est-ce que vous avez eu l'ambition, Christopher Priest, dès le départ, de sortir de cette case, de casser ce moule? On peut penser notamment à des références comme Graham Greene ou John Fowles. Alors, quand j'ai commencé à écrire, j'étais très jeune. Et tout ce que je voulais faire, là, dans une phrase, c'est Bob Shaw qui a dit cette phrase, justement, il a dit « Je voulais être auteur de science-fiction qui écrivait de la science-fiction. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu auteur de science-fiction. Et il y avait le monde inverti, ça a mené au monde inverti. Et à l'époque, j'étais pas à l'aise, quoi. Je me suis dit « Il y a d'autres choses à faire, plutôt que de travailler dans le genre, comme ça existait. » Et comme vous avez dit, je lisais Graham Greene, je lisais Jerzy Kuczynski et d'autres auteurs américains, John Fowles, bien sûr, et d'autres auteurs de ce genre qui travaillaient avec des livres non fantastiques, mais faisaient la même chose que font les auteurs de science-fiction avec le fantastique. Donc là, je pouvais dire, voilà, il y a une porte, j'ai ouvert la porte, allez, passe la porte. Qu'est-ce qui fait, est-ce que vous aspirez au fur et à mesure, on va parler de cet univers qui est le vôtre, comment vous le développez et comment il devient de plus en plus précis, comment il devient de plus en plus concret. Est-ce que vous diriez, Christopher Priest, que vous aspirez à une certaine forme d'universalisme de l'imaginaire ou fantastique, un peu comme un Borges ou un Garcia Marquez, qui ne sont pas catégorisés comme des auteurs de l'imaginaire alors que de facto c'est la littérature qu'ils écrivent? Je suis très flatté par cette comparaison, merci beaucoup, mais je pense que ce que font les auteurs, en fait, c'est une activité littéraire. On écrit des livres avec des mots, et ces mots, c'est un code. Parce que quand on lit un livre, même si ça vous plaît, et on le lit plusieurs fois, on ne se souvient pas des mots. On se souvient de la réaction qu'on a eue à ces mots. Les images que vous avez créées, les relations, les rapports que vous avez créés avec les personnages, et le sentiment, l'ambiance globale du livre. Alors ce n'est pas contenu dans les mots, mais ça ne peut pas exister sans ces mots. Donc pour moi, c'est le mot, c'est la parole. Et beaucoup d'auteurs maintenant traitent cette activité comme étant quelque chose de beaucoup plus concret. Là, c'est pour créer un monde qui a des règles, on peut aller dans des endroits, il y a des choses qui seront, etc. Non, moi, je n'y crois pas. Pour moi, le lecteur est beaucoup plus ouvert à des idées et ne doit pas être canalisé dans un sens particulier par un auteur qui dit, voilà, c'est comme ça. Pour moi, mes livres sont toujours ouverts. Il y a une ambiguïté. Ce ne sont pas des obscurités, mais des ambiguïtés. À propos du mot, est-ce qu'il est aussi important, alors je vous ai lu à la fois en traduction et en version originale, il y a un style, il y a une stylistique, il y a une narration, il y a une poétique dans votre littérature, Christopher Priest, et peut-être que la poétique est ce qui peut manquer souvent à la science-fiction ou aux littératures de l'imaginaire. Merci beaucoup. J'aime beaucoup votre littérature, donc je ne vais pas m'en cacher. Moi, je suis bon dans le narratif, en fait. Moi, j'y crois aussi au narratif. Et il y a une mode littéraire, du moins au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui dit que, bon, la fiction narrative, c'est deuxième gamme, en fait. C'est le thriller, c'est l'histoire des science-fiction, c'est l'histoire romantique. Non, moi, je n'y crois pas. Je pense que l'essence de la littérature, c'est le narratif. C'est très important. Et donc, toutes mes histoires, je veux que ce soit des histoires qui sont bien racontées. Donc, une fois qu'on commence, on ne veut pas arrêter. Bon, on ne peut pas obliger ça, on ne peut pas le crier. Mais quand je commence à écrire, c'est ce que je veux faire. Je veux raconter une histoire. Je veux que ce soit suspendu. Je veux l'agrandir. Je veux que le lecteur s'intéresse à ce qui se passe. Et donc, pour cette raison, il y a En fait, moi, je ne suis pas très connu au Royaume-Uni. Moi, j'ai vu comme étant quelqu'un plutôt, plutôt aux mains. En France, on est beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré. C'est mieux, d'ailleurs. Mais est-ce que cette attention à la narration, c'est forcément antinomique avec une forme de poétique à la fois stylistique, mais même dans votre univers, dans les thèmes que vous déployez, dans cette espèce de mélancolie qui est un peu toujours juste là, sous le texte, à fleur de peau et qui transpire dans chacun de vos ouvrages? Alors, les sentiments sortent du narratif. Le narratif n'exclut pas des choses. C'est un format. Moi, je dis toujours que lire un livre, c'est aussi créatif que d'écrire un livre, mais d'une autre manière. Parce que moi, bon, je pose des mots, mais c'est les lecteurs qui les reprennent. Et ce que font le lecteur avec ces mots, c'est tout à fait intime, c'est tout à fait privé. Chacun lit un mot différemment, un livre différemment. Là, donc, c'est un processus créatif. Il ne faut pas le mépriser, c'est très important. Et donc, on ne peut pas légiférer, on ne peut pas imposer une humeur. Bon, maintenant, c'est triste, tout le monde va pleurer. Non, on l'écrit très clairement. On pose la situation et le lecteur en font ce qu'il fait. Et s'il y en a qui rigolent, tant pis, hein. Sur le choix de l'imaginaire et du fantastique, vous déclariez, Christopher Priest, le fantastique est le seul genre de fiction qui m'enthousiasme assez pour avoir envie d'en écrire. Je pense que le roman généraliste est une forme moribonde qui n'a aucun attrait pour moi et n'en a jamais eu. Je continue à attendre qu'elle meure, mais il persiste à survivre. Pourquoi est-ce que vous voulez la mort du roman généraliste, Christopher Priest ? Non, je ne veux pas qu'il meure quand même. Non, en fait, de temps en temps, des gens ils posent une question un peu bizarre et puis je donne une réponse extrême. Mais bon, non, mais profondément, je pense que pour écrire un bon roman aujourd'hui, il faut avoir un élément du fantastique. Parce que le fantastique est autour de nous. Tout ce qui se passe dans notre vie, en fait. Là, des choses. Là, le téléphone mobile, par exemple, à un moment donné, l'idée que tout le monde a un numéro personnel. Pour nous, c'est tout à fait normal. Mais il y a 20 ans, 30 ans, c'était tout à fait étranger, quoi. Et si on peut écrire d'une telle manière à ce que ces possibilités émergent, ça devient réel, ça devient prosaïque. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Christopher Priest est notre invité tout au long de cette heure depuis le festival Les Utopiales à Nantes. Alors Christopher Priest, on va parler un peu de votre carrière littéraire. Vous commencez comme comptable, donc une carrière qui commence avec les chiffres plutôt qu'avec les lettres. À quel moment se fait la bascule dans le sens inverse ? Well, they fired me. Alors, ils m'ont viré. Voilà. Alors, j'ai une formation de comptable, mais j'étais très mauvais comme comptable. J'étais nul. Et le problème, c'est que je ne comprenais pas l'argent. Je ne comprends toujours pas l'argent. Alors, donnez-moi de l'argent. Là, je vais le dépenser, je vais le perdre, je vais l'économiser. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais le business, en fait, de la comptabilité, c'est l'idée, c'est cette fantaisie, en fait, de l'argent, où l'argent crée l'argent. Et je n'ai jamais compris ça. Donc j'ai passé 9 ans, quand même, dans un état de manque de compréhension totale. Et puis un jour, on m'a dit, t'es viré. Je dis, bon, d'accord, je vais écrire, parce que c'est ça que je voulais faire. Là, à ce moment-là, je voulais écrire. Et il y avait autre chose, il y avait le côté social aussi. La comptabilité à l'époque, c'était dominé par les hommes et aussi par une classe sociale particulière. Donc ces jeunes hommes, classe moyenne, bien éduqués, etc. Donc là, je faisais partie d'un cabinet à Londres, il y avait tous ces jeunes hommes qui étaient en formation, et je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit qu'ils ne comprenaient pas les filles. Moi, j'étais à l'école où c'était moitié fille, moitié garçon. Donc j'avais deux sœurs, je vivais dans un monde où les femmes existaient. Et ces hommes, ces garçons, en fait, ils ricanaient quand il y avait une femme qui rentrait dans la pièce, quoi. Ça me choquait. Et c'était horrible pour moi. Donc, en fait, là, je ne veux pas être obsessif, mais en fait, ça, c'est quelque chose que je ne pouvais jamais accepter quelque part. Je ne pouvais, voilà, leur conversation en dehors de l'argent, c'était le foot, le sexe, dans le mauvais sens du terme, et l'alcool. Et les bagnoles. Et à part ça, donc les livres, ils ne connaissaient pas, la culture, ils ne connaissaient pas. C'était très sec, une ambiance horrible, en fait. Donc je me suis cassé rapidement. Donc quand on me dit qu'est-ce que vous faisiez avant, j'ai dit, oh, je ne me souviens plus. Donc vous avez vraiment décidé de devenir écrivain pour quitter ce milieu-là et puis aussi pour renouer avec les femmes. Alors, ce qui m'est passé, je lisais un livre de Brian Aldiss qui s'appelle Nonstop en anglais. Et je lisais, et je me suis rendu compte en lisant que quelqu'un avait écrit ce livre. Ce n'était pas quelque chose qui sortait d'une imprimerie, c'est quelqu'un qui l'a fait. Il y avait un nom, Brian Aldiss. Je me suis dit, alors qu'est-ce qu'il en pense, lui, de ça? Et je me suis dit, il est auteur, je veux faire ça. Je veux être auteur. Alors j'ai lu un peu plus et je me suis rendu compte qu'elle était payée pour faire ça. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est pour moi, je veux être auteur, je veux être payé pour ça. Donc littéralement, c'était ça l'instant où ma vie a vraiment changé. Et à partir de là, en fait, là je ne voulais rien d'autre, je voulais écrire. Bon, l'argent c'est pas tellement important, c'est important, mais bon. Et je comprends l'argent maintenant d'ailleurs, hein, mais bon. Bon, malheureusement, j'en ai pas, mais bon. Vous publiez votre première nouvelle, The Run, dans la revue Impulse en 1966. Comment est-ce que vous vous mettez à écrire Christopher Priest? Est-ce que d'un seul coup, vous avez une sorte d'éclairage, d'illumination, d'inspiration, que la littérature coule littéralement sous vos doigts? Ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous êtes à la lutte? Est-ce que vous bataillez avec votre imaginaire? Comment ça commence? Alors, je n'ai pas d'héritage littéraire, mais ma famille, ce n'est pas une famille qui lisait, si vous voulez. Les livres à la maison, quand j'étais jeune, c'était mes livres. Bon, ma mère lisait quelques thrillers, mon père, il ne lisait pas des livres. Et donc, je n'avais pas de tradition familiale liée à l'écriture ou des livres. Et je ne suis pas un auteur naturel. Je suis quelqu'un qui a travaillé, qui a appris à faire ce métier par observation et je me suis concentré sur les auteurs que j'admire et qui me parlent et qui me disent des choses que je comprends. Et on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre à écrire à quelqu'un, on ne peut pas enseigner l'écriture, mais on peut l'apprendre. Donc, après ce moment, Brian Aldiss, j'ai pris du papier, une machine à écrire, et j'ai mis les deux ensemble, et j'ai commencé à taper. Et le mot que j'ai tapé, c'était « the », le. Après, je me suis arrêté, je ne savais pas quoi mettre après. Et donc j'étais paralysé, je voulais décrire un vaisseau spatial, j'avais 16 ans, je pense. Et j'ai dit, bon, je mets quoi? Bon, le vaisseau, non, la navette, je ne sais pas. Et puis j'étais paralysé. Donc j'ai recommencé, et là j'ai écrit 1. La paralysie, c'était pareil. Et j'ai vu à quel point c'est difficile d'écrire. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'automatique, hein, ça ne coule pas de source. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est un métier qu'on apprend. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, Christopher Priest, avec l'expérience, c'est un combat, l'écriture, c'est quelque chose, ça ne vient pas naturellement, vous n'êtes pas un homme du premier jet, vous corrigez, vous revenez sur vos textes, vous êtes à la lutte avec votre texte. Non, ce n'est jamais simple, ça ne vient pas simplement. Actuellement, et j'ai du mal à commencer un nouveau livre, et c'est comme si j'apprenais à écrire à nouveau. L'avantage de l'expérience, c'est qu'on voit comment gérer certains problèmes. Parce qu'on peut, là, l'histoire va, part dans un mauvais sens, ou ça ne marche pas comme on voudrait. Donc, il y a une sorte de stock de trucs à faire. C'est pas forcément la réponse, mais ça aide à dépasser ce moment. Mais ça, c'est l'expérience et du travail, quoi. Mais pour moi, écrire, c'est un défi, c'est un challenge, c'est un art. Et c'est quelque chose d'atteignable, mais tout juste. Ce n'est pas facile, jamais. Ce n'est jamais facile. Christopher Priest, vous dites dans une interview, « Je me sens coupable, je ne fais rien de particulier pour écrire, je suis paresseux. Je ne suis vraiment pas un bon exemple, ne le dites pas aux gens, bon, mais c'est raté. » Je n'ai pas vraiment d'inspiration. L'écriture, c'est de la transpiration, pas de l'inspiration. Yes, that's true. It's, oui, c'est vrai. The, you say perspiration or what? Transpiration. Perspiration. Yes, well, it is hard work. Oui, mais c'est du travail. The thing is, it is basically outwardly a very lazy Alors, life. I often sit around là, de toute apparence, c'est une vie paresseuse en fait, parce que je suis là et apparemment je ne fais rien. J'ai l'impression que je ne fais rien. Quelque part, mais en fin de journée, tout d'un coup, je vais écrire 1000 mots. Donc il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Vous publiez votre premier roman indoctrinaire en 1970, avant Fugue for a Darkening Island. Alors en français, c'est Le Rat Blanc ou Notre Île Sombre, parce que vous l'avez réécrit. C'est un roman qui se situe dans une Grande-Bretagne dont le gouvernement conservateur s'est effondré face à la crise politique que représente un afflux massif de réfugiés africains. On est en 1972. Vous vouliez commencer par faire de la science-fiction politique, Christopher Priest, et puis... In fact, I can correct you. It was actually Alors, my second. Corriger. C'était oui, mon deuxième roman. My first novel has never been published in France. Mon premier n'a jamais été publié en France. Justifiably. Et il y a de quoi. C'est normal. But the, we're talking about, mais on parle. Le Rat Blanc. Ça s'appelait Le Rat Blanc à l'origine, mais maintenant. Notre île sombre. Notre île sombre. Voilà. Yes, thank you. And it's a complicated story. Alors, c'est une histoire compliquée. Comme j'ai dit, j'étais impressionné par le travail de John Wyndham. Il écrivait des livres de catastrophes des années 50. Et je me suis dit, il faudrait peut-être quelqu'un qui prendrait le flambeau, donc je vais trouver un désastre. Et j'ai pensé à une guerre quelque part dans le monde, en fait, qui allait créer un problème de réfugiés. Donc ça a coïncidé avec deux choses. Premièrement, il y avait l'expulsion de beaucoup de pays africains de gens d'origine asiatique. Et la plupart sont allés au Royaume-Uni. Et ça a créé beaucoup de troubles sociaux à l'époque parce que les gens n'étaient pas à l'aise avec ce qui se passait. Et il y avait beaucoup d'opportunisme politique, notamment de quelqu'un qui s'appelle Enoch Powell à l'époque. Donc, vu la présence de ces gens 40 ans plus tard, c'est terminé. Là, il y a une assimilation totale. Ce sont des Britanniques, ce sont des gens totalement invisibles. La deuxième chose qui est arrivée, c'est qu'il y avait... Il y avait les troubles en Irlande du Nord, c'était épouvantable. Tous les jours, aux informations, on avait des scènes de violence grave, les maisons qui étaient brûlées, des gens qui étaient brûlés, des jeunes femmes qu'on couvrait de goudron et de plumes. Et j'ai combiné ces deux idées et je me suis dit, s'il y avait un influx énorme de réfugiés qui correspondait avec un gouvernement idiot de droite, et donc il y aurait un problème militaire grave dans le pays. Qu'est-ce qui se passerait? Alors 40 ans plus tard, on voit quelque chose de tout à fait similaire, où il y a beaucoup de gens qui quittent l'Afrique, qui quittent le Moyen-Orient, qui viennent en Europe, et ils n'ont pas, dans la plupart des cas, ils n'ont pas provoqué des guerres ou des combats ou des problèmes, mais ils ont créé une guerre, à mon avis, mal placée au Royaume-Uni sur l'impact que ça va avoir sur notre société. La question que je me pose, Christopher Priest, c'est que quand on a écrit en 72 un roman qui parle d'afflux de réfugiés qui fait chuter un gouvernement conservateur, comment est-ce qu'en 2018, vous ressentez, vous, ce sens de l'anticipation qui a été le vôtre, c'est-à-dire de voir, alors c'est peut-être un coup de bol, mais en tout cas, de voir ce qui allait être aujourd'hui les problématiques de nos sociétés contemporaines en Europe. Yeah. Well, The thing about being a fantastic writer. Alors, quand on écrit de la fantaisie, most of your guesses go wrong. La plupart du temps, en fait, ce qu'on devine, en fait, ça ne marche pas. C'est pas du tout ça. Le roman qui n'a jamais été publié en France, ça parle des problèmes des forêts vierges au Brésil et puis les transformer en terres agricoles. Donc, et ça arrive maintenant. Donc, bon, c'est pas. Mais j'ai écrit ça. C'était mon premier roman. Et quand je vois ces pauvres gens dans les bateaux, et je vois que ce sont des gens qui sont exploités, qui souffrent horriblement, et ce qu'ils quittent, ça doit être tellement épouvantable qu'on a un devoir en tant qu'humain, de les accueillir, quelles que soient les conséquences. Et je n'aime pas ce qui se passe dans certains pays, justement, où la Hongrie construit un mur, Donald Trump veut construire un mur, ce n'est pas la réponse. Les murs, en fait, ce sont des choses temporaires, comme le mur de Berlin. On pensait que ça n'allait jamais tomber, mais ce qu'il faut faire, c'est de créer une société dans laquelle ces gens sont accueillis. Non seulement en tant que réfugiés, mais en tant que des gens qui peuvent contribuer à notre culture. Peut-être un dernier mot à ce propos, Christopher Priest, puisque, en fait, dans toute votre œuvre, il y a cette question de la guerre absurde. Je pense à la série de l'Archipel du rêve, où le continent de Normayer est en permanence en guerre, et on voit des jeunes gens s'affronter, se massacrer sur un continent désert au sud. Est-ce que vous vous décririez, malgré tout, comme un écrivain engagé, comme quelqu'un qui fait de la science-fiction avec une coloration politique ? Pas politique, je suis humain. Si vous lisez l'histoire, il n'y a pas un seul moment dans l'histoire où il y avait une bonne guerre. Et une bonne guerre, ça veut dire quelqu'un qui déclare une guerre pour une cause honorable, qui réussit et le monde est meilleur après. Chaque guerre, il y a la destruction, il y a la mort, il y a la cruauté, il n'y a jamais d'excuse pour la guerre. Donc fondamentalement, je suis pacifiste. Et les guerres dans mes romans, en fait, ce sont des guerres stupides. C'est des guerres sur rien, c'est des gens qui se tapent dessus avec des épées, etc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Christopher Priest est notre invité tout au long de cette heure. Alors Christopher Priest, on va faire une petite pause dans votre carrière littéraire pour évoquer vos goûts cinématographiques. Et puisque nous sommes ici aux Utopiales à Nantes, à une convention de science-fiction, écoutez cet extrait de l'un de vos films favoris. Lorsqu'un groupe d'acteurs d'une célèbre série de science-fiction type Star Trek est attendu de pied ferme par ses fans, par leurs fans à une convention, et ce n'est pas exactement ce dont ils avaient rêvé pour leur carrière. Écoutez. Comment suis-je arrivé là? Mais ça, moi qui ai joué Richard III. Sans oublier les cinq rappels. Salué par cinq rappels, oui, je fus un acteur. Regardez maintenant, regardez-moi! Je n'irai pas dans cette salle, je ne dirai pas cette affligeante réplique une seule fois de plus! C'est au-dessus de mes forces. Écoute, Alex, toi, au moins, tu avais un vrai rôle. Tu avais un personnage que le public adorait. Ma dernière interview pour un magazine télé s'est résumée à 6 questions sur mes seins et sur la façon dont mon costume les mettait en valeur. Ils n'ont même pas pris la peine de s'intéresser à l'importance de mon rôle. Tu étais là pour... Attends, ça va m'en venir. J'étais là pour répéter ce que disait l'ordinateur, Fred. Votre commandant est à son poste. Waouh, une vraie purée de poids aujourd'hui, hein? Est-ce que j'ai raté la crise d'angoisse d'Alexander? Ah, on dirait que non. Tu devrais montrer ça à un dermato, tu sais? Ouais. Regardez la forme, c'est quelques extraits. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Tout au long de ces quatre saisons, nous avons retrouvé pour cet équipage des liens d'amitié tout aussi forts que ceux qui unissent chacun de ses membres. Ce n'étaient pas seulement des aventuriers sillonnant l'espace. On va se laisser de vrais camarades. Totalement incroyable. T'es carrément à côté de tes pompes, là. Voilà, extrait de Galaxy Quest de Dean Parizeau. Vous avez peut-être reconnu les voix françaises de Alan Rickman dans le rôle du professeur Lazarus, une sorte de sous Monsieur Spock, Sigourney Weaver, Tim Allen également. Christopher Priest, on s'attend pas tellement à ce que l'un de vos films préférés ce soit Galaxy Quest. On imagine d'autres choses, je ne sais pas pourquoi. Well, the thing is, I will only ever admit moi, to Galaxy Quest being my favorite film. Que c'est mon film préféré. Quand j'ai le droit de dire que j'ai deux films préférés et que l'autre n'est pas Galaxy Quest. And I love Galaxy Quest. J'adore Galaxy Quest parce que ça se moque en fait de tout le truc SF, quoi. Surtout avec le prisme de la télévision américaine. Mais c'est drôle, c'est très doux. Ils disent que les gens qui adorent Star Trek en fait adorent Galaxy Quest. Les gens qui n'aiment pas Star Trek aiment Galaxy Quest aussi. Et moi, je fais partie de ces derniers. Je trouve ça très drôle, très inhabituel, très divertissant. Si vous ne l'avez pas regardé, faites-le. Mais mon autre film préféré, c'est la jetée. Justement, on en écoute un extrait. Il avait peur. Il avait entendu parler du chef des travaux. Il pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps, et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences, projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Mais l'esprit humain a chopé. Se réveiller dans un autre temps, c'était naître une seconde fois adulte. Le choc était trop fort. Après avoir ainsi projeté dans différentes zones du temps des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'images mentales très fortes. Capables d'imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de s'y réintégrer. La jetée de Chris Marker. Pourquoi, Christopher Priest, qu'est-ce qui vous plaît dans ce film dont on entend qu'effectivement, film de 28 minutes expérimental en noir et blanc, une succession de photogrammes, où il est question justement du temps, qui est quelque chose dont on va parler puisque c'est très très présent, la distorsion du temps dans votre œuvre. C'est un film qui est très beau, c'est très doux. C'est très regardable. Les deux comédiens sont totalement inconnus, ils n'ont pas fait d'autres films. Il y a quelque chose de nouveau parce que le film est avec justement des photogrammes. Il y a une petite séquence de prise de vue réelle qui dure peut-être 5 secondes. Et là, ça arrête le cœur quand on le voit. C'est tellement beau. Mais ce n'est pas tout simplement un film d'art et d'essai avec de belles images. Ça parle de l'avenir, ça parle de notre façon de changer le présent et de détruire l'avenir en se faisant. Et la tentation de revenir en arrière pour tout arranger et comment ça ne marche pas et que c'est un échec inévitable. Et donc, en 28 minutes, il y a un monde entier. Je ne sais pas si c'est très connu en France. C'est un film français. Chris Marker, c'était le réalisateur. Je pense que c'est le seul travail de fiction qu'il a fait. Je crois que tout le reste, c'était en documentaire, mais c'est un classique, en fait. Si vous voulez comprendre la science-fiction moderne, il faut regarder ce film. Effectivement, c'est un film magnifique, La Jetée, qu'on vous recommande vivement. Ce qui est intéressant, c'est que j'aimerais vous faire parler de cette question du temps, parce que on parlait tout à l'heure de Fugue for a Darkening Island, donc le rat blanc, qui déjà note un rapport au temps complexe, hein, la fugue, ça, on ne cesse de sauter d'une trame temporelle à l'autre entre le passé, le présent, le futur, et on en arrive au livre qui a été votre premier grand succès, Le Monde Inverti, lauréat du prix du British Science Fiction Award et nommé au prix Hugo, qui commence par cet insipide qui raconte bien que le temps va être l'enjeu central. J'avais atteint l'âge de 1000 kilomètres. Alors le temps est avec nous tous, le temps continue, le temps avance, c'est la chose qu'on ne comprend pas. Il y a deux choses, il y a le temps et la gravité, et Le Monde Inverti parle des deux. Avec le temps, on ne peut pas le contrôler. On est ici, assis, à un moment donné dans le temps, qui est réel, qui est mesurable. Cette émission va sortir fin décembre. On va avoir l'impression que c'est en direct. On va avoir une existence dans un avenir qu'on ne peut pas imaginer. C'est toujours fascinant de parler du temps. Et comment est-ce que vous, pourquoi est-ce qu'il faut le tordre, pourquoi est-ce qu'il faut le distordre, comment est-ce que vous l'appropriez ce ton, Christopher Priest? On peut parler, puisque en 80 vous sortez The Affirmation, La Fontaine Pétrifiante en version française, qui est le premier roman qui se passe dans cet archipel du rêve, où précisément le temps ne passe pas, où on ne comprend pas comment le temps s'écoule, où le temps revient en arrière, se rebelle, lutte contre vos personnages, c'est un opposant quasiment, c'est presque un personnage central en fait. The affirmation, or in French, is La Fontaine Pétrifiante. La Fontaine Pétrifiante. La Fontaine Pétrifiante. C'est un roman compliqué. Ça parle de beaucoup de choses. For me, as a writer, pour moi, en tant qu'auteur de ce livre, c'était une clé. Je parlais tout à l'heure des portes, comment d'autres auteurs ouvrent les portes. Et pour moi, La Fontaine Pétrifiante, c'était une clé à une de ces portes. J'ai appris comment gérer l'ambiguïté, le temps. Là, et je travaille avec depuis, je ne l'avais jamais fait avant. Mais pour moi, ce n'est pas mon meilleur roman, à mon avis, mais si vous vous intéressez à ce que je fais, il faut commencer là, je pense. C'est en tout cas le point de départ d'une série de romans. Mais vraiment, j'aimerais revenir encore un peu, parce que quand on s'embarque dans cet archipel du rêve, vos personnages sont systématiquement perdus, et nous aussi un peu en tant que lecteurs. Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de supprimer ces référentiels pour créer finalement cette espèce de divagation, d'errance, d'errement, Christopher Priest? Alors, vous ne vous sentez pas perdu? Moi, je me sens perdu, hein. C'est comme de l'argent, en fait. Moi, je dis que je ne comprends pas l'argent, mais je sais le dépenser. Et je me sens perdu aussi. Mais je peux trouver le bar, je peux trouver le resto, je peux trouver la ville. Ce sont des choses qui sont au niveau du consensus. On peut accepter que ce sont des choses faisables. Mais quand on commence à analyser les possibilités du temps, de l'endroit, du lieu, ça devient très compliqué. Parce que si on veut avoir quelque chose de systématique, l'avantage de l'archipel du rêve, en fait, la culture est coupée de tout ce qu'on connaît. Donc il y a ses propres règles. Et ce sont des règles, pour moi, qui sont des règles cohérentes. Mais ce ne sont pas des règles qu'on voit communément. Pourquoi donc c'est La Fontaine Pétrifiante, hein, c'est le premier roman, on est en 80, qui se situe, enfin qui traite de cet archipel du rêve. Vous allez y revenir, mais très longtemps après, hein, quasiment 30 ans, pour revenir et réimplanter vos romans dans cet univers que vous avez créé. Pourquoi y être retourné et pourquoi si longtemps après? Alors, j'avais un éditeur qui s'appelait Jacques Chambon en France. Il était excellent. Malheureusement, il n'est plus avec nous. Et il avait une anthologie. Il était en train de faire quelque chose avec Robert Silverberg. Ça se passait 3000 ans dans l'avenir. Il m'a demandé de faire une nouvelle. Et j'ai dit, bien sûr, tout de suite, oui. Mais je ne peux pas imaginer même 3000 secondes à l'avenir, hein, sans parler du reste. Donc, en fait, j'ai décidé que je voulais décrire une culture qui avait 3000 ans et qui avait été en guerre pendant toute cette période. Et ça, c'était l'archipel du rêve. Et donc, j'ai écrit une histoire là-dessus. Et à ce moment-là, Jacques Chambon a dit, « Oh, merci, merci, c'est exactement ce que je voulais. » Et Robert Silverberg, elle a dit, « Non, mais tu n'as pas parlé des 3000, là. » Donc, des 3000 ans. Donc, heureusement, Jacques, il a eu... il a réussi. Mais c'est parce que j'avais déjà le format, donc... Mais pourquoi y être retourné? Parce que vous n'y êtes pas retourné qu'une seule fois. Il y a ce recueil de nouvelles qui s'appelle L'Archipel du rêve. Et puis ensuite, il y aura The Gradual, L'Inclinaison. Il y aura Les Insulaires. Vous ne cessez d'y revenir à cet archipel. Qu'est-ce qui vous y attire? Pourquoi est-ce que vous voulez développer cet univers à ce point? Alors pour moi, c'est quelque chose de très beau. Ça m'attire énormément, même si ce n'est pas très attirant en tant que lieu en soi. Ça parle d'une culture, insulaire en fait. Moi, je vivais au Royaume-Uni, donc une grande île. Maintenant, je vis dans une petite île en Écosse. C'est une vraie île. S'il n'y a pas de bateau, on ne peut pas en sortir. Il n'y a pas de pont. Donc pour moi, l'existence d'une île, c'est quelque chose de très fort. Au Royaume-Uni, là, ce qu'on entend le soir, et justement, c'est la météo marine. À la radio, on est là, on est au chaud, et là, on entend quels seront les ouragans, les tempêtes dans la mer du Nord. Et là, on sait qu'on est une nation nautique. Nation maritime. Et pour la notion du britannique, en fait, c'est quelque chose de très important. Donc, et si tout le monde, c'était des îles? Et en fait, c'est une idée bien. C'est pas une idée très agréable, mais c'est bien. Mais je travaille avec, et même s'il y a beaucoup de choses d'horribles qui s'y passent, mais l'ambiance, pour moi, c'est tout à fait attirant. Pourtant, ces îles, c'est quand on les lit, on ne pense pas vraiment aux îles britanniques. Ce sont plutôt des îles du sud, des îles où il fait chaud. On est plutôt sur une culture tropicale ou quasi tropicale. Il y a quelque chose, moi, qui est presque de baudelairien que je trouve dans vos îles. Ça me fait penser à un voyage à Cythère, à ces îles grecques, à cette idée d'une forme d'exotisme ou d'orientalisme du 19e. Bon, ça ne parle pas du Royaume-Uni. C'est un composé de plein de choses. Il y a un petit peu de Saint-Tropez. Il y a un petit peu des îles grecques, effectivement. Et je vivais à Harrow on the Hill à Londres, un quartier de Londres. Et donc, une partie de ça dans l'archipel du rêve. Et donc, c'est plein de constructions mentales. Et pour moi, c'est comme une sorte de tapisserie. Là, je peux aller à des endroits différents, je peux trouver des éléments différents. Mais ça marche dans le sens créatif, ça me stimule pour en penser. Mais c'est pas un endroit qui est très cosy, qui est très chaleureux. Il faut dire que dans l'archipel du rêve, donc, et c'est un archipel qui est impossible à cartographier à cause de variations gravitationnelles qui font que le temps passe n'importe comment, donc il n'y a pas de carte de cet archipel du rêve. Vous, pourtant, en faites une sorte de cartographie dans vos différents romans, mais ce sont presque des îles à usage unique, c'est-à-dire qu'elles apparaissent dans un roman, dans un recueil de nouvelles, et puis, à quelques exceptions près, on n'y revient jamais. On ne retourne jamais en arrière, on se retourne pas, on ne revient pas dans le temps, Christopher Priest. But it's life. Mais c'est la vie. constamment. Coming down here two days ago. Quand je suis venu il y a deux jours, je suis passé par Angers. Je ne connais pas Angers. Je suis passé dans le train. Donc cinq minutes, Angers, c'était énorme dans ma vie. Et le monde est rempli de plein d'endroits comme Angers. On va dans un aéroport, on est là dans cet aéroport pendant 3 heures, et plus tard on va ailleurs, on oublie. Et ces îles, en fait, ce sont des îles à usage unique, effectivement. Ce ne sont pas des îles jetables, mais ce n'est pas comme des Kleenex. Hein, mais... Est-ce que vous avez un jour pensé faire pour vous une cartographie de ce monde, dessiner la carte de cet univers de l'archipel du rêve? Maps in my universe are verboten. Les cartes sont verboten dans mon univers. Là, j'en parle avec d'autres auteurs. Je parle de construction non littéraire. Et un livre avec une carte, ça a commencé avec Tolkien, en fait, à l'époque moderne. Mais avant, il y avait quand même... Il y avait Pilgrim's Progress de Bunyan, par exemple, où il y avait des cartes rudimentaires. Et là, moi, je suis un peu hostile à l'idée d'une carte. Moi, je veux les arracher des livres. Parce que les gens, ils doivent imaginer l'île. Moi, je suis minoritaire, là, mais je pense que tout auteur, ici, dans cette conférence, serait en désaccord avec moi là-dessus. On va le vérifier tout à l'heure en discutant avec d'autres auteurs de science-fiction. On avance dans cette conversation, peut-être qu'on reviendra à Archipel du rêve, mais tout de même, il faut parler de 1996. Vous publiez ce roman qui vous révélera au grand public, en dehors de la sphère de la science-fiction, ce roman parce qu'il a été adapté au cinéma par Christopher Nolan. Le magicien prend la chose ordinaire et il lui fait faire quelque chose d'extraordinaire. Vous cherchez alors la clé du mystère, mais vous ne la trouvez pas. Parce que, bien sûr, vous ne la cherchez pas vraiment. Vous ne voulez pas réellement la connaître. Vous voulez être mystifié. Mais vous n'êtes pas encore prêt à applaudir. Parce que faire disparaître une chose, n'est pas suffisant. Il faut aussi la faire réapparaître. C'est pourquoi tous les tours de magie comportent un troisième acte. C'est la partie la plus difficile des trois, celle qu'on appelle le prestige. Extrait du Prestige, le film de Christopher Nolan, adapté de votre roman. Vous dites que vous êtes assez content, Christopher Priest, de cette adaptation, même si vous auriez préféré Sam Mendes que Christopher Nolan à la réalisation. Well, I didn't prefer Sam Mendes. Je n'ai pas préféré, j'ai préféré Nolan. Quand on écrit un roman, en fait, on ne pense pas au film. Ce n'est pas quelque chose qui est réaliste. Mais de temps en temps, ça arrive. Et cette fois-ci, c'était à moi que ça arrive. Donc, on avait trois propositions pour ce film. Il y avait une boîte de production britannique. La deuxième, c'était Sam Mendes. Et c'était une offre très attirante parce que Mendes, à l'époque, il avait un film qui s'appelait American Beauty. Et à l'époque, c'était donc nommé pour 7 Oscars. Et là, c'est énorme, donc comme offre. Il en a gagné 5. Mais j'avais une troisième proposition d'un jeune homme qui s'appelait Christopher Nolan. Je n'avais jamais entendu parler de cet homme. Et il travaillait avec une boîte de production dirigée par sa femme. Et donc c'était, il m'a envoyé une cassette vidéo en VHS. Et quand on essaie de décider, regardez ça, imaginez ce que peut faire ce jeune auteur avec un studio derrière lui. Le film s'appelait Following, son premier film peu connu. Il l'a fait vraiment de façon amateur. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a l'imagination. Et ça, j'ai aimé. J'aime les jeunes personnes avec de l'imagination. Donc j'ai dit à l'agent, allez, on va prendre Nolan. Elle a dit, mais t'es fou, quoi. Et j'ai dit, oui, sans doute, mais j'ai l'impression que c'est la chose à faire. Et là, absolument, j'ai eu raison, en fait. La carrière de Nolan en est la preuve. Est-ce qu'il y a un autre de vos livres que vous aimeriez voir adapté ? Est-ce que le travail de l'adaptation d'un livre, c'est quelque chose qui vous satisfait quand on est auteur, de voir des images concrètes posées sur des mots ? Alors, je serais hypocrite de dire non. Mais ils vous donnent un tas d'argent. Donc, mais créativement, imaginativement, non, c'est pas très agréable. Parce que, en fait, on doit parler avec les exécutifs d'Hollywood, en fait. Et qui, je vous rappelle, ce sont des gens qui sont désagréables, ils sont bêtes. Est-ce qu'il y a un autre de vos romans qui serait propice à l'adaptation, que vous aimeriez, que vous pensez être plus adaptable que les autres ? I don't know. I mean, this is really not my department. Ce n'est pas à moi de le dire. Celui qui était adapté le plus souvent, c'est Le Glamour. C'est le roman sur des gens qui sont apparemment invisibles et qu'on peut voir si on sait comment les regarder. Là, peut-être, ça pourrait en faire un film. Mais bon, moi, je suis romancier. Moi, j'écris des romans. J'aimerais qu'on dise, mais alors ça c'est vraiment un peu égoïste et un peu personnel, mais que vous me parliez d'un de vos romans qui est peut-être mon favori, qui s'appelle L'Inclinaison, The Gradual, où ça se passe dans l'archipel du rêve, et vous essayez, c'est une sorte de roman musical en fait, c'est un roman voilà, qui raconte l'histoire d'un compositeur évidemment, mais qui a quelque chose, une teneur musicale qu'on entend presque chanter à mesure qu'on le lit. Est-ce que vous pourriez m'en dire un mot ? Alors, je l'ai structuré au format d'une symphonie. Donc, il y a l'allegro, il y a le divertimento, il y a le mouvement lent et puis le climax. Donc, voilà, bon, ça, c'est la vitrine, si vous voulez. Mais ça parle de la musique et aussi de l'inspiration de la musique. Ou si vous voulez, de l'inspiration de l'art. D'où viennent les idées des artistes, ou d'où viennent les images des artistes. Donc, moi, je ne suis pas musicien, je ne comprends pas la musique. Mais je pense que je comprendrais le processus de l'imagination de la musique. Et donc, c'est ça le roman. Alors, c'est l'archipel du rêve. Donc, les îles ont une influence. Et en effet, chaque île a donc son attraction gravitationnelle, mais ça a un impact un peu étrange sur l'imaginaire. Les gens y perdent leur sensation du temps, leur notion du temps. La musique, c'est le temps, en fait, c'est le tempo, c'est le rythme. Et tout ça, c'est important. Donc je me suis dit que vraiment, c'est une symphonie sur la musique. Est-ce que vous écoutez de la musique, Christopher Priest, quand vous écrivez, par exemple ? J'écoute la musique quand je n'écris pas. Non, ça me distrait quand j'écris. Quel type de musique, justement, vous écoutez ? Est-ce que vous êtes plutôt classique, jazz, pop music ? Quel est l'univers musical qui est le vôtre ? Très traditionnel, la musique classique. Et j'aime bien le swing aussi. J'adore Beethoven. Quoi de Beethoven, par exemple ? J'adore les symphonies. Et je découvre Tchaïkovski. Alors, ça a l'air un peu ringard, mais en fait, j'ai jamais écouté Tchaïkovski. J'aime beaucoup ses symphonies, oui. J'aime bien le jazz aussi. Mais je suis tout à fait conventionnel. J'aime pas la musique rock. Hein. J'ai commencé à détester d'ailleurs la musique rock. On arrive à la fin de cet entretien, Christopher Priest. Votre dernier roman, An American Story, revient sur le 11 septembre. C'est assez une sorte de pas de côté un peu. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans votre œuvre, dans votre carrière littéraire. Pourquoi est-ce que c'était important de revenir sur cet événement du 11 septembre ? Pourquoi avoir voulu ce cadre-là pour An American Story ? Alors, le titre au Royaume-Uni, c'est une histoire américaine, An American Story, en effet. Mais ça ne parle pas du 11 septembre, mais ça parle de l'histoire du 11 septembre. Et je voyais le désastre comme étant un désastre international. Plus de 100 pays étaient impliqués directement. Et à la suite, il y en a beaucoup plus qui sont impliqués maintenant. Il y avait 102 pays qui ont perdu des citoyens ce jour-là. Et des gens qui venaient de l'Inde, de la Corée, c'était pas que des Américains ou des Canadiens. Et j'avais trois amis personnels qui étaient à New York ce jour-là. Aucun n'était touché directement, mais tous ont subi des traumatismes. Donc c'est effectivement une catastrophe internationale. Mais les Américains, eux, ils pensent qu'ils ont les droits de l'histoire. Et c'est eux qui écrivent cette histoire. Et ce n'est pas une histoire vraie. Ça ne peut pas être vrai. Scientifiquement, c'est incroyable. Logiquement, ça n'a aucun sens. Et le monde mérite d'avoir la vraie histoire. Et c'est ça le livre. Ça ne parle pas des événements, ça parle de l'histoire. Conséquence d'une disparition, c'est le titre français, c'est publié chez De Noël comme toute votre œuvre et en poche chez Folio SF. Un dernier mot, Christopher Priest, est-ce que vous travaillez actuellement sur un autre roman ? Quel type d'univers ? Est-ce que vous retournerez dans l'archipel du rêve ou est-ce que cette page-là est définitivement tournée ? Jusqu'au mois dernier, j'écrivais un roman qui se passait à Paris dans les années 20. Mais j'ai eu une résidence pendant 5 semaines, je viens de le terminer, et être à Paris pendant 5 semaines, en fait, ça détruit toute intention que j'avais pour écrire quelque chose sur Paris. Alors Paris, en fait, c'est deux choses. Paris, c'est le mythe romantique, et il y a la réalité aussi. Et quand on y est, ce qu'on voit, c'est la réalité de Paris. Et il y a des touristes, il y a des motos, c'est bruyant, c'est sale, il y a la foule, c'est une ville moderne. Mais Paris, c'est une idée internationale. Et je voulais parler de la différence entre les deux, mais il y en a un qui a noyé l'autre. Donc pour l'instant, je me remets de Paris. Donc peut-être un retour dans l'archipel du rêve ? Un jour. Merci beaucoup Christopher Priest, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que toute votre bibliographie est disponible chez De Noël dans la collection d'une d'encre ou Folio SF en poche. Merci au public des Utopiales ici à Nantes, merci à l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Toby Mdenstock, Céline Lezen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Guérin à la réalisation, Olivia Branger, Christophe Michaud, Sébastien Huel, Laurent Fracchia et Dominique Allard à la technique. On se retrouvera lundi donc avec la papesse de la lutte contre les dangers des algorithmes, de l'abus de Big Data et de la gloutonnerie des GAFA pour nos données personnelles. Nous aurons la chance et le privilège de recevoir lundi la militante américaine Cathy O'Neill qui sera notre invitée. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi jusqu'à preuve du contraire.